La cité mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3, Pouciel Guruzan 1857, livre 4e, chapitre 11. Comme les saints anges annoncèrent en divers endroits la naissance de notre Sauveur, et comme les pasteurs vinrent l'adorer. Les courtisans du ciel ayant célébré dans la grotte de Bethléem la naissance de leur Dieu humanisé et de notre Rédempteur, il y en eut quelques-uns qui furent envoyés par le même Seigneur en divers endroits pour annoncer les heureuses nouvelles à ceux qui étaient, selon la volonté divine, disposés à les ouïr. Le prince Saint-Michel fut envoyé au Père des Limbes, et il leur apprit comme le Fils unique du Père éternel, qui s'était fait homme, venait de naître et se trouvait dans une crèche entre des animaux, un blé doux, tel qu'il l'avait prophétisé. Ésaïe, Michée, Jérémie, etc. Il parla particulièrement à Saint Joachim et à Sainte Anne de la part de la Bienheureuse Mère, car elle le lui avait ordonné, et il les félicita de ce qu'elle tenait enfin dans ses bras le désiré des nations. Agée 2, 8. Celui que tous les prophètes, patriarche, avait prédit. Actes des Apôtres, 10, 43, Jean, 5, 39. Ce fut pour cette nombreuse assemblée des justes le jour de la plus grande consolation qu'elle eût encore reçue durant son long exil. Et, reconnaissant tous le nouvel homme Dieu pour auteur du salut éternel, ils eurent de nouveaux cantiques en sa louange. Ils l'adorèrent, ils lui rendirent le culte qui lui était dû. Saint Joachim et Sainte Anne prièrent l'ambassadeur céleste, Saint Michel, de recommander à leur très sainte fille de révérer en leur nom l'enfant Dieu, le fruit béni de son très chaste sein. Luc 1, 42. Et c'est ce que la grande reine de l'univers fit incontinent, écoutant avec une joie extrême tout ce que le saint prince lui raconta des pères des limbes. Un autre ange de ceux qui gardaient et assistaient la divine mère, fut envoyé à sainte Élisabeth et à son fils Jean. Et, lorsqu'il leur eut annoncé la naissance du Rédempteur, la prudente sainte et son fils, tout enfant qu'il était, se prosternèrent à terre, et adorèrent leur Dieu humanisé en esprit et en vérité. Jean 4, 23. Et l'enfant qui était consacré pour être son précurseur fut intérieurement renouvelé par un esprit bien plus enflammé que celui d'Élie, tandis que ces mystères causaient aux anges eux-mêmes une singulière admiration, et leur fournissaient de nouveaux sujets de louange. Le petit Baptiste et sa mère supplièrent aussi notre auguste reine, par l'entremise de cet ange, de vouloir adorer son très saint fils en leur nom, et de les offrir de rechef à son service, ce qu'elle s'empressa de faire avec ponctualité. Sainte Élisabeth, ayant appris cette heureuse nouvelle, dépêcha aussitôt à Bethléem un express, qu'elle chargea de porter à la mère de l'enfant Dieu un présent qui consistait en quelque peu d'argent, de linge et d'autres petites choses nécessaires au nouveau-né et à sa pauvre mère, aussi bien qu'au saint époux. Mais l'express n'avait ordre que de visiter sa cousine et Joseph de sa part, de leur laisser le présent, de s'informer de leurs besoins, et de lui rapporter des nouvelles certaines de leur santé. Ainsi cet homme ne connut du mystère que ce qui lui en parut à l'extérieur. Mais, frappé d'admiration à cette vue et cédant à une force divine, il retourna renouveler intérieurement, et raconta avec une joie inexprimable à Sainte Élisabeth la pauvreté et la complaisance de sa parente, de l'enfant et de Joseph, et les effets qu'il avait ressentis en son âme de les avoir seulement vus. Ce qu'une si naïve relation produisit dans le cœur bien disposé de la pieuse Élisabeth furent beaucoup plus admirables. Et si la volonté divine ne se fût prononcée pour assurer le secret d'un si grand mystère, elle n'aurait pu s'empêcher d'accourir elle-même auprès de la Mère Vierge et de l'enfant Dieu nouveau-né. Notre divine reine prit une partie de ce que sa cousine lui envoya pour suppléer à sa pauvreté, et distribua le reste aux pauvres, car elle ne voulut pas être privée de leur compagnie pendant le temps qu'elle demeura dans la grotte de la Nativité. D'autres anges allèrent aussi annoncer les mêmes nouvelles à Zacharie, à Siméon, à Anne la prophétesse et à quelques autres justes et saints à qui le nouveau mystère de notre rédemption pouvait être confié, car le Seigneur les trouvant dignement préparés pour le recevoir avec action de grâce et avec fruit, il semblait que ce fût une chose comme due à leur vertu de ne leur point cacher le bienfait qui était accordé au genre humain. Et quoique tous les justes de la terre ne connussent pas alors ce mystère, tous néanmoins éprouvèrent quelques effets divins à l'heure où naquit le Sauveur du monde. Tous ceux qui étaient en état de grâce sentirent une joie intérieure extraordinaire et surnaturelle dont ils ignoraient la cause particulière. Et il n'y eut pas seulement du changement dans les anges et dans les justes, mais il y en eut aussi en d'autres créatures insensibles. Puisque les influences des planètes devinrent plus actives et plus bénignes, le soleil hâta sa course. Les étoiles brillèrent d'un plus grand éclat, et celle qui dirigea miraculeusement les rois mages vers Bethléem, Matthieu 2:2, fut formée cette nuit-là. Plusieurs arbres portèrent des fleurs et d'autres des fruits. Quelques temples d'idoles s'écroulèrent. En d'autres, les idoles furent abattues et les démons chassés. Et les hommes, ne soupçonnant pas la véritable cause de tous ces miracles et de beaucoup d'autres qui éclatèrent ce jour-là dans le monde, cherchaient à les expliquer de diverses manières. Il y en eut seulement parmi les justes plusieurs qui, par une inspiration divine, supposèrent ou crurent que Dieu était venu au monde, quoique personne ne le sût avec certitude, excepté ceux à qui lui-même le révéla. De ce nombre étaient les mages, auxquels furent envoyés d'autres anges de la garde de notre reine qui, les allant trouver chacun en particulier dans les endroits de l'Orient où ils étaient, leur révélèrent intellectuellement, par des paroles intérieures, que le Rédempteur du genre humain était né dans la pauvreté et dans l'abjection. Cette révélation leur inspira de nouveaux désirs de le chercher et de l'adorer, et bientôt ils virent l'étoile miraculeuse qui les conduisit à Bethléem, comme je le dirai plus loin. Mille fois heureux entre tous furent les pasteurs de cette contrée qui veillaient, gardant leurs troupeaux, à l'heure même de la nativité, Luc 2:8, heureux, non seulement parce que, avec une vigilance louable, ils employaient la nuit à une occupation dont ils supportaient les fatigues pour Dieu, mais heureux surtout parce qu'ils étaient pauvres, humbles, méprisés du monde, justes et simples de cœur, parce qu'ils étaient de ceux qui, dans le peuple d'Israël, attendaient et désiraient ardemment la venue du Messie, dont ils parlaient et s'entretenaient souvent. Ils avaient d'autant plus de ressemblance avec l'auteur de la vie, qu'ils étaient plus éloignés du faste, de la vanité, de l'ostentation du monde et de ses ruses diaboliques. Ils représentaient par ces nobles qualités l'office que le bon pasteur venait exercer, en connaissant ses brebis et en étant lui-même connu. Jean 10:14. Et comme ils étaient dans des dispositions si convenables, ils méritèrent d'être appelés et conviés, comme les prémices des saints, par le Seigneur lui-même, afin qu'ils fussent les premiers d'entre les mortels à qui le Verbe incarné se manifesta et se communiqua, et dont il reçut les louanges, les services et les adorations. C'est pour cela que l'archange Saint Gabriel leur fut envoyé, et, les surprenant dans leur veille, il leur apparut en forme humaine, tout resplendissant d'une éclatante lumière. Luc 2, 9. Les pasteurs se trouvèrent tout à coup comme inondés des flots de cette lumière céleste, et, comme ils n'étaient point accoutumés à de pareilles révélations, ils furent saisis d'une grande peur à la vue de l'ange. Ibidem. Mais le saint prince les rassura en leur disant, « Hommes sincères, ne craignez point, car je vous annonce une nouvelle qui vous remplira de joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ notre Seigneur. Et voici le signe auquel vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant enveloppé de linge et couché dans une crèche. » Ibidem, 10, 11 et 12. À ces dernières paroles du saint archange survinrent subitement en grand nombre les héros de la milice du ciel, qui, unissant leurs voix harmonieuses, célébrèrent le Très-Haut et chantèrent « Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Luc 2, 13 et 14. Puis les saints anges disparurent en répétant ce cantique si divin et si nouveau dans le monde. Tout cela arriva dans la quatrième veille de la nuit. Cette vision remplit les humbles et fortunés pasteurs d'une lumière divine, et les laissa également enflammés et animés du désir de jouir de leur félicité, et d'aller reconnaître par leurs propres yeux le sublime mystère que venaient de leur transmettre leurs oreilles. Le signe que l'ange leur avait donné ne semblait pas très propre à convaincre les yeux de la chair de la grandeur du nouveau-né, car à se trouver dans une crèche, emmaillotée de quelques pauvres langes, il n'y avait point d'indice suffisant pour révéler la majesté du roi, s'il ne l'avait découverte à l'aide de la lumière divine dont ils furent éclairés. Mais c'est parce qu'ils étaient humbles et vides de la sagesse mondaine qu'ils furent bientôt remplis de la sagesse divine. Et, s'étant mutuellement communiqué ce que chacun pensait de cette étonnante ambassade, ils résolurent d'aller bien vite à Bethléem pour y voir la merveille qu'ils venaient d'ouïr de la part du Seigneur. Ibidem 15. Ils partirent aussitôt, et, entrant dans la grotte, ils trouvèrent, comme le dit l'évangéliste saint Luc, Marie et Joseph, et l'enfant couché dans la crèche. Luc 2, 16. Et, voyant tout cela, ils connurent la vérité de ce qu'ils en avaient ouï. Ibidem, 17. Cette expérience et cette visite furent suivies d'une illustration intérieure qu'ils reçurent à la vue du Verbe humanisé, car au moment où les pasteurs jetèrent les yeux sur lui, le divin enfant les regarda aussi, le visage brillant d'une grande splendeur, dont les rayons et l'éclat blessèrent le cœur innocent de ces pauvres et bienheureux hommes, et par l'efficace divine il les changea et leur donna un nouvel être de grâce et de sainteté, les laissant élevés aux hauteurs et enrichis des trésors d'une science toute céleste sur les ineffables mystères de l'incarnation et de la rédemption du genre humain. Ils se prosternèrent tous ensemble et adorèrent le Verbe incarné. Ils le louèrent, le glorifièrent et le reconnurent pour Dieu et homme véritable, pour le restaurateur et rédempteur du genre humain, non comme des hommes grossiers et ignorants qu'ils étaient auparavant, mais comme des hommes sages et prudents. La divine dame et mère de l'enfant Dieu était attentive à tout ce que les pasteurs disaient et faisaient extérieurement et intérieurement, car elle pénétrait jusqu'au fond de leur cœur, et, avec une prudence égale à sa sagesse, elle gardait en elle-même et méditait toutes ces choses, Ibidem, 19, les confrontant avec les mystères qu'elle connaissait, avec les saintes écritures et avec les prophéties. Et comme elle servait alors d'organe au Saint-Esprit et de langue à l'enfant, elle parla aux pasteurs, les instruisit et les exhorta de persévérer dans l'amour et dans le service de Dieu. Ils l'interrogèrent aussi à leur façon, et donnèrent beaucoup de détails sur les mystérieuses communications qui leur avaient été faites. Ils restèrent dans la grotte depuis le point du jour jusqu'à midi, et, après que notre auguste reine leur eut donné à manger, elle les congédia, comblée de grâce et de consolation céleste. Les cinq pasteurs firent encore quelques visites à la très pure Marie, à l'enfant et à Joseph pendant le temps qu'ils demeurèrent dans la grotte. Ils leur portèrent aussi quelques présents proportionnés à leur pauvreté. L'évangéliste Saint-Luc dit que tous ceux qui les entendirent parler de ce qu'ils avaient vu admiraient ce qu'ils leur en disaient. Luc 2, 18. Mais cela n'arriva qu'après que la reine, l'enfant et Joseph furent partis de Bethléem. La divine sagesse le disposant de la sorte, et ne permettant pas que les pasteurs le publiassent avant leur départ. Tous n'ajoutèrent pourtant pas foi à leurs paroles, car il y en eut qui ne les regardèrent que comme des campagnards ignorants. Quant à eux, toujours pleins d'une science divine, ils vécurent dans la sainteté jusqu'à leur mort. Hérode fut du nombre de ceux qui leur ajoutèrent créance, quoique ce ne fût point par une foi sainte ni par une piété religieuse, mais par une crainte mondaine et damnable de perdre le royaume. Et parmi les enfants qu'il fit mourir, il y en eut quelques-uns de ces saints hommes qui méritèrent aussi cette grande faveur, et leurs pères les offrirent avec joie aux martyrs, qu'ils désiraient pour eux-mêmes, heureux de les voir souffrir pour le Seigneur, qu'ils connaissaient. Instruction que je reçus de la Reine du Ciel. Ma fille, l'insouciant oubli des œuvres de leur Rédempteur est aussi blâmable qu'il est ordinaire et commun parmi les mortels, étant certain que toutes ces œuvres furent mystérieuses, pleines d'amour, de miséricorde et d'enseignement pour eux. Vous avez été appelés et choisis afin que, par la science et la lumière que vous recevez, vous ne tombiez point dans cette dangereuse et grossière stupidité. Je veux donc que vous pénétriez et pesiez, dans les mystères que vous venez de décrire, le très ardent amour que mon très saint fils a fait paraître en se communiquant aux hommes à l'instant même de sa naissance, afin qu'il participe aussitôt aux fruits et à la joie de sa venue au monde. Les hommes ne comprennent point cette obligation, parce qu'il y en a peu qui pénètrent celle que leur imposent des bienfaits si particuliers. Comme il y en eut peu également qui virent le Verbe humanisé dans son premier berceau et qui le remercièrent de sa venue. Mais ils ignorent la cause de leur malheur et de leur aveuglement, qui ne fut et n'est point du côté du Seigneur ni de son amour, mais de leur péché et de leur mauvaise disposition. Car si par leur mauvais état ils n'eussent mis obstacle au dessein de sa miséricorde, ou ne s'en fussent rendus indignes, il aurait donné à tous ou à un très grand nombre la même lumière qu'il donna aux justes, aux pasteurs et aux mages. Ce petit nombre vous fera connaître à quel malheureux état était réduit le monde lorsque le Verbe incarné naquit, et combien déplorable est maintenant celui des mortels, qui, jouissant d'une plus grande lumière, songent cependant si peu à payer le Seigneur d'un juste retour. Considérez donc le peu de disposition des mortels dans le siècle présent, où les vérités de l'Évangile étant si connues et si bien établies par les œuvres et par les merveilles que Dieu a opérées dans son Église. Le nombre des parfaits et de ceux qui veulent se disposer à participer le plus largement possible aux effets et aux fruits de la rédemption, est néanmoins si petit. On croit que parmi tant d'insensés, Ecclésiaste 1, 15, et malgré le débordement de tous les vices, Le nombre des personnes parfaites est considérable, parce qu'on en voit beaucoup qui ne sont pas aussi rebelles à Dieu. Il y en a moins pourtant qu'on ne le croit, et les parfaits le sont beaucoup moins où ils ne devraient l'être, à une époque où Dieu est si offensé des infidèles, et si désireux de communiquer les trésors de sa grâce à la Sainte Église par les mérites de son Fils unique fait homme. Or, réfléchissez bien, ma très chère fille, aux obligations que vous impose la connaissance si claire que vous recevez de ces vérités. Soyez attentive, soigneuse et diligente à correspondre à celui qui vous comble de tant de faveurs, sans perdre ni temps, ni lieu, ni occasion de faire ce que vous saurez être le plus saint et le plus parfait, puisque, en dépit de vos efforts, vous resterez toujours au-dessous de vos obligations. Songez que je vous avertis, que je vous exhorte et que je vous commande de ne point recevoir en vain un bienfait si particulier. 2 Corinthiens 6, 1, de ne pas tenir la grâce et la lumière dans l'inaction, mais d'agir avec une plénitude de perfection et de reconnaissance. markemdanarchive.org Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial, partage à l'identique. La Cité Mystique de Dieu par Marie d'Agreda, tome 3 Poussiel Gurus en 1857.